Star de ciné, accoudé au jukebox. Oh, oh. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un essai à la Century Fox. Oh, oh. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo, cherchait du regard un spot, le dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo, moi j'étais de trop. Marcher comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. Oh, oh, oh. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Oh, oh. Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux mentalos. Hollywood est dans sa tête, toute seule elle répète son entrée dans un studio d'époque couleur mentalo, perdu dans sa mégalo, moi je suis de trop. Arrêtant le flipper, et ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. Oh, oh, la fille aux yeux mentalos a rangé sa mégalo. Elle s'est soumise aux yeux noirs, couleur de trottoir. Et moi je n'en pouvais plus, elle n'en a jamais rien su. Ma plus jolie des mythos, couleur mentalo. Thank you. Le jour où on lui dira, mais il faudrait qu'on lui dise simplement parole. Des 90 ou 120, youpi. Parce qu'alors là, c'est fastidieux. La 110, ça va. To take me upstairs for a ride, she had to leave me right across the shoulder, 'cause I just can't seem to dream out of my mind.